Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange est à Dieu, Seigneur des univers. Adada khalqihi, proportionnellement à sa création. Warida nafsihi, proportionnellement à sa propre satisfaction. Wazinata arshihi, et proportionnellement au poids de son trône. Wamidada kalimatihi, et proportionnellement à l'encre nécessaire pour écrire tous ces mots. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلِيُّ الصَّالِحِينَ. Et j'atteste qu'il n'y a aucune divinité à part Dieu, tuteur des vertueux. قال النبي صلى الله عليه وسلم. Le prophète prière et salut sur lui dit إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَا ثُمَّ يَبْعَثُ صَرَيَاهُ. Iblis, où il dit certes, Iblis c'est le père de tous les satans, le grand Satan, pose son trône sur l'eau et après il envoie ses expéditions sataniques. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْضَمُهُمْ فِتْنَةً. Et le plus proche de lui, parmi tous les satans, celui qui sera apprécié très bien par Iblis est celui qui sera capable à commettre une grande discorde entre les gens. Yaji'u ahaduhum fayaqul, l'un d'eux vient pour dire fa'altu kaza wa kaza, j'ai accompli telle et telle chose. Fayaqulu ma sana'ta shay'an, et Iblis lui dit tu n'as rien fait. ثُمَّ يَجِيرُ أَحَدُهُمْ, et par la suite, un autre arrive pour dire, فَيَقُولْ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مْرَأَتِهِ. Je ne l'ai abandonné que lorsque je l'ai séparé de sa femme. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ, et il le rapproche de lui. وَيَقُولْ نِعْمَ أَنْتَ. Et il lui dit, ça veut dire, Iblis dit à ce démon, tu es le meilleur. Et il le sélectionne auprès de lui. Rawahu l'imam muslim wa ghayruhu, rapporté par l'imam muslim et par d'autres. Akhi, ukhti, frère, sœur, asami'tuma farhata Iblis bi talaqi zawjayn. Avez-vous bien entendu la grande joie devant la séparation, devant le divorce d'un couple? فهل ستعطيان هذه الفرصة لعدو الله? Allez-vous donner cette occasion, cette chance au grand ennemi de Dieu? أقول بدل أن تحزن عند الطلاق وأن يبكي الأولاد. Je dis, au lieu de vous attrister lors du divorce, au lieu de faire pleurer vos enfants, liyadhaka iblis, afin de faire rire iblis, afrihu ba'dakum ba'dan fi ni'mati zawaj. Soyez heureux, faites entrer la joie les uns dans les cœurs des autres grâce à ce bienfait qui est le mariage. وَلْيَبْكِ إِبْلِيسْ وَشَيَاطِينُهُ أَمَامَ فَرْحَتِكُمْ. Et que Iblis et ses satans pleurent et s'attristent devant votre joie. وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَحَبِيبَنَا مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ الْأَمِينَ. Et j'atteste que notre maître et bien-aimé Muhammad est l'envoyé de Dieu sincère et véridique. قال صلى الله عليه وسلم. Il dit, prière et salut sur lui, أَيُّمَا مْرَأَةٍ سألت زوجها طلاقها من غير بأس. Quiconque des femmes qui demande à son mari le divorce sans raison valable, فحرام عليها رائحة الجنة. Le parfum du paradis lui est interdit. رواه الترمذي وحسنه وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. Rapporté par l'imam al-Tirmidhi qui l'a authentifié ainsi que l'imam Abu Daoud et d'autres. Sayyidi, Amir al-Anbiya, maître, émir des prophètes, sallallahu alayka adada nujumi sama, que les prières de Dieu soient sur toi au nombre des étoiles du ciel, wa rimal as-sahra, au nombre des sables du désert, wa auladi adama wa hawa, et au nombre de la descendance d'Adam et Ève. Amma ba'd, ayyuha al-ikhwat wa al-akhawat fi al-islam, après ceci mes frères, mes sœurs en islam, ahbab al-habib Muhammad al-Mustafa, très cher ou bien aimé Muhammad al-Mustafa, alayhi afdalu as-salati wa azka as-salam, pour lequel on demande les meilleures prières et les hautes salutations. نعيش اليوم مع الدرس الخامس والأخير من سلسلة الزواج في الإسلام. On va vivre aujourd'hui avec le cours numéro 5 qui est le dernier de cette série du mariage en Islam. وهو يخص الطلاق, et il concerne le divorce. فبعد الزواج, après le mariage, وخلال الحياة الزوجية, et pendant la vie conjugale, في بعض الحالات يكتشف أحد الأطراف أو كلاهما بأن الحياة الزوجية مستحيلة ومرة. L'un des deux parties, ou parfois les deux parties dans quelques cas, découvre que la vie conjugale, c'est-à-dire après le mariage, est impossible et amère. وبأن دوامها عذاب متصاعد ولا يطاق. Et chacun des deux, ou les deux en même temps, découvre que la continuité de cette vie de mariage est une souffrance croissante jour après jour, et elle est insupportable. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, الأرواح جنود مجندة, les esprits ou bien les âmes sont des soldats engagés, فما تعارف منها ائتلف وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفْ. Les âmes sont des soldats engagés. En cas de connaissance, il y a accord et entente entre elles. Et en cas de méconnaissance, il y a désaccord et mésentente entre elles. رواه الإمام البخاري, rapporté par l'imam al-Bukhari. في هذه الظروف الصعبة بين الزوج والزوجة أباح الله الطلاق رحمة منه لهما. Dans ces conditions très difficiles, sévères, entre le mari et sa femme, Dieu a autorisé le divorce par effet de miséricorde et de clémence envers le couple. لِأَنَّهُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ, parce que lui, Dieu, il est le miséricordieux et le clément. رَغْمَ أَنَّهُ يُبْغِضُ الطَّلَاقَ لَمْ يُحَرِّمْ الطَّلَاقَ. Malgré qu'il déteste, Dieu déteste le divorce, il ne l'a pas interdit. C'était facile pour lui de l'interdire. Mais malgré qu'il déteste le divorce, il l'a autorisé. رغم أنه يبغض الطلاق أباح, لماذا؟ Pourquoi? لحل المشاكل المتعقدة, لحل المشاكل المستعصية التي لا حل لها إلا الطلاق. Il a autorisé le divorce afin de résoudre les problèmes complexes, insolubles. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, أبغض الحلال إلى الله الطلاق. Le divorce est le licite le plus détesté à Dieu subhanahu wa ta'ala. رواه الإمام أبو داود الحاكم والبيهقي, rapporté par l'imam Abu Daoud, par l'imam Al-Hakim et Al-Bayhaqi. والإسلام لم يحرم الطلاق ولكنه في نفس الوقت لم يسهله. L'islam n'a pas interdit le divorce, mais en même temps il ne l'a pas facilité, il ne l'a pas rendu facile. فالإسلام دين الوسط, l'islam est la religion du juste milieu, l'islam est la religion médiane. لقد شدد موقفه في الطلاق, il a durci sa position en ce qui concerne le divorce. قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et salut sur lui dit, ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة. En cas de sérieux ou de plaisanterie, il faut prendre ces trois choses au sérieux: le mariage, le divorce et le retour au mariage, rawa l'imam Abu Daoud, wa Tirmidhi wa Ibn Majah, rapporté par l'imam Abu Daoud, l'imam Tirmidhi et Ibn Majah. Falaw qala rajul li zawjatihi la'iban wa dhahikan, yal'ab ma'a zawjatihi, yadhhak ma'a zawjatihi, li'annahu yuhibbuha. Wa qala laha talaqtuki, si un homme pour plaisanter, pour rire avec sa femme, parce qu'il aime sa femme, il est en train de plaisanter seulement avec sa femme, et lui dit dans la plaisanterie, je t'ai répudié, ou je te répudie, sarat taliqan fil islam. Elle devient automatiquement répudiée, divorcée en islam. Wa kam min rajul talaqa zawjatahu wa huwa la yash'ur wa huwa la ya'rif. Et combien de maris musulmans a divorcé avec sa femme sans le connaître, inconsciemment. Et depuis X temps, il l'a divorcé, il l'a répudié, mais il ne le connaît pas. لِأَنَّهُ كُلَّ مَرَّةِ يُطَلِّقُهَا بِالضَّحِكِ. Parce qu'à chaque fois, il l'a répudié par plaisanterie. وَلَا زَالَ يَعِيشُ مَعَهَا فِي الْحَرَامِ. Il est toujours en train de vivre avec elle dans l'interdit. لِأَنَّهَا لَيْسَتْ زَوْجَتَهُ. Parce qu'elle n'est plus sa femme. حَذَارِ حَذَارِ. Attention, attention. لَا هَزْلَ وَلَا ضَحِكَ فِي الطَّلَاقِ. Nulle plaisanterie, nul rire dans le divorce. ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحِ الزَّوَاجِ وَالطَّلَاقِ. En cas de sérieux ou de plaisanterie, il faut prendre ces trois choses au sérieux, le mariage, le divorce et le retour vers le mariage. Après cette introduction, je m'interroge, comment doit-on faire pour divorcer en islam ? يرميها كيف شاء ومتى شاء. Est-ce que la femme en islam est un objet, est un jouet dans la main du mari qu'il jette quand il veut et comme il veut? هل للرجل الحق أن يسحق المرأة عند الطلاق أو العكس. Est-ce que le mari a le droit en islam d'écraser la femme lors du divorce ou bien le contraire? Al-Jawab, la réponse. Al-Zawajou fil islam ibadah. Le mariage en islam, comme on l'a vu, est une adoration de Dieu. Ihsan fi awwaliha, fi awwalihi, fi awwali zawaj, ou fi awwali ibadah. Ihsan fi wasatiha, wa ihsan fi akhiriha. Le mariage est une adoration. Ça veut dire une bienfaisance à son début, à son milieu et même à sa fin. On doit utiliser la bienfaisance, la perfection, l'excellence dans cette adoration. Et celui qui va faire le contraire, il fait partie des injustes. Il fait partie parmi les gens de faible foi. وهو من أشباه الرجال ليس رجلا هذا هذا من أشباه الرجال. Il fait partie des pseudo-hommes. Ce n'est pas un homme, celui qui va être injuste lors du divorce avec sa femme. هو لئيم وليس بكريم. Il s'agit d'un ignoble et non pas d'un noble. أخي أختي frère sœur. هناك طلاق سني وطلاق بدعي حرام. Frères ou sœurs, il y a deux sortes de divorce ou de répudiation. La répudiation sunnite et la répudiation anti-sunnite qui est interdite. Et je vais vous développer le divorce sunnite en plusieurs points. Le premier point, as-sabr. La patience et la vie conjugale selon la bonne coutume. Et supporter le mal qui peut venir de l'autre partie. Allah Ta'ala wa Tabarak, Dieu le Très Haut, dit à ses serviteurs, les croyants et les croyantes, يقول لعباده المؤمنين والمؤمنات وعاشروهن بالمعروف, vivez avec elles selon la bonne coutume, فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Vivez avec elles selon la bonne coutume, et si vous éprouvez pour elles quelques aversions, il se peut que vous détestiez quelque chose et que Dieu y fasse pour vous un grand bien. بمعنى إذا صرت تكره زوجتك أو إذا صرت تكرهين زوجك وتريد الطلاق, dans le cas où tu détestes ta femme ou dans le cas où tu détestes ton mari et chacun cherche le divorce, يقول لك الله في هذه الحالة فلا تطلق. Dieu te dit dans ces conditions, ne divorce pas. يقول لك الله في هذه الحالة عاشره أو عاشرها بالمعروف. بالمعروف. Dieu te dit dans ces conditions, comporte-toi avec lui ou avec elle, vis avec lui ou avec elle selon la bonne coutume. واصبر, et supporte avec patience. ربما هذا الذي تكره فيه خير كبير لك ولكن أنت لا تعرف المستقبل والله يعرف المستقبل. Il te dit peut-être ce que tu détestes maintenant, cet homme ou cette femme contient ou représente pour toi un grand bien dans l'avenir, et Dieu sait ce qui va se passer dans l'avenir et toi tu ne sais pas. ولكنك لا تعرف. الشيء الثاني, le deuxième point, محاولة علاج المشكل. Le deuxième point, c'est essayer de résoudre le problème. قال تعالى, Dieu dit dans un verset coranique, واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. Celles dont vous craignez l'indiscipline ou la violation des devoirs conjugaux, sermonnez-les ou bien raisonnez-les, éloignez-vous d'elles dans les lits et frappez-les. ثلاث محاولات متدرجة. Trois essais, trois étapes progressives. كل محاولة ربما تستغرق وقتا كثيرا. Et chaque étape peut durer un grand temps. ما تقول اليوم أعظ وغدا أهجر وفي اليوم الثالث أضرب وفي اليوم الرابع أطلق. لا, هذا فهم خطأ. Tu vas pas dire le premier jour je vais raisonner, le deuxième jour je vais m'éloigner d'elle, le troisième jour je vais frapper et le quatrième jour je vais divorcer. Il s'agit d'une mauvaise compréhension du verset, il s'agit d'une mauvaise interprétation du verset. المحاولة الأولى, la première étape, الإقناع بالحوار, la première étape, convaincre l'autre partie par le dialogue. الكلمة الطيبة والمؤثرة, la parole douce qui touche. الرجل الطيب, الرجل الحليم, الرجل الخير هو الذي له قدرة على الإقناع بالحجة. Le meilleur mari, le bon mari, est celui qui est capable de convaincre sa femme, mais avec la preuve, avec l'argument. يخاطب عقل الآخر, il s'adresse à la raison de l'autre partie. بالحكمة والهدوء, avec la sagesse, avec la douceur et le calme. والرجل السوء, الرجل الأحمق, الرجل الحيوان, هو الذي لا يعرف الحوار. Et le mauvais homme, l'homme animal, qui n'a pas la raison, est celui qui méconnaît le dialogue, qui ne connaît pas le dialogue. ليس له قدرة على الإقناع. هي لم تتزوج برجل ولكن تزوجت بحيوان. ليس له قدرة إقناع. فيمر مباشرة إلى العنف. كي يقنع المرأة يجب أن يضربها. وهي لم تقتنع بالضرب. Donc, cet homme-là, ce deuxième homme qui est mauvais, qui représente un animal, n'a pas une faculté de dialogue, n'a pas une faculté de convaincre par le dialogue. Et comme il n'a pas cette faculté, il va passer directement vers la violence. Il va convaincre par les coups. لا يحسن إلا السب والصراخ والضرب. Il ne maîtrise, il ne fait bien que les insultes, que les cris, que les coups. إن لم ينجح الحوار الهادئ في مدة طويلة أسبوع شهر سنة من الحوار. Si le dialogue doux n'arrive pas à convaincre pendant une longue durée, une semaine, un mois, trois mois, une année de dialogue, on passe vers la deuxième étape. Mu'amala tayyiba tawla an-nahar, un bon comportement pendant toute la journée, min ghayr intiqam aw khusuma, sans chercher à se venger, sans dispute, ça sert à rien. Walakin firaqun fil layl, mais une séparation dans la nuit. وليس خارج البيت, il n'y a pas une séparation en dehors de la maison. أو عند العائلة, لا, ou une séparation, il va chez sa famille, non. فالعائلة تقول له نزوجك بأجمل وأحسن منها, parce que la famille va lui dire on va te faire marier avec plus belle et meilleure qu'elle. والأحسن كتمان الخصومة عن العائلة, il est préférable de cacher la dispute, de ne pas parler des différends du couple chez la famille. إِلَّا إِذَا عَجَزَ الزَّوْجَانِ عَنِ الصُّلْحِ, sauf si, au bout du compte, si les deux n'arrivent pas à se réconcilier par leurs propres moyens, à ce moment-là, on va faire appel à la famille, comme ce qu'on va voir par la suite. أقول لا يهجر إلا في البيت, il ne se sépare avec elle que dans la chambre à coucher. وَيُدِيرُ وَجْهَهُ, et il tourne son visage. يُبَيِّن أَنَّهُ غَيْرُ رَاضٍ, il montre qu'il n'est pas satisfait. وَيَبْقَى هَكَذَا أُسْبُوعٌ أَوْ أَكْثَرُ حَتَّى الشَّهْرُ أَوْ أَكْثَرُ مِنَ الشَّهْرِ, il reste comme ça, séparé avec elle pendant une semaine plus, ou même un mois ou plus. وَالْحَقِيقَةُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَجَدَتْ رَجُلًا هَكَذَا بهذه الأخلاق الإسلامية العالية, en vérité mes frères, si la femme trouve devant elle un mari avec ce haut comportement islamique, فستعترف بخطئها, elle va reconnaître sa propre faute, إن كانت خاطئة, si elle est vraiment fautive, وتطلب المسامحة, et il va demander pardon. أما الثالثة, la troisième étape, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète prière et saint sur lui dit, لا تضربوا إماء الله, ne frappez pas les servantes de Dieu. وقال كذلك, et il a dit de la même manière, لا تجدون أولئك خياركم, vous trouvez pas que ceux, c'est-à-dire qui frappent les femmes, soient les meilleurs parmi vous. رواه الإمام أبو داود والنسائي والحاكم وصححه, rapporté par l'imam Abu Daoud, النسائي, الحاكم, qui l'a authentifié. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب امرأة ولا خادما قط, le prophète prière et saint sur lui n'a jamais frappé une femme ou un serviteur ou un animal. رواه الإمام النسائي, وهو شارح القرآن, et c'était lui l'interprète et l'explicateur du Coran. وهو القدوة, et c'était lui le modèle. وطلق عليه الصلاة والسلام حفصة رضوان الله عليها, et il a répudié حفصة, que Dieu soit satisfait d'elle, la fille de Omar, fils de Khattab. فأتاه جبريل وقال له راجع حفصة, et l'archange Gabriel lui est venu pour lui dire reviens à ta femme حفصة, فإنها صوامة قوامة, parce qu'elle jeûnait le jour et priait la nuit. وإنها زوجتك في الجنة, et ça va être ton épouse dans le paradis. رواه الإمام أبو داود والنسائي, rapporté par l'imam Abu Daoud et l'imam النسائي. وما سمعنا أنه لما طلقها ضربها, et nous n'avons pas entendu que lors du divorce ou avant le divorce, le prophète l'a frappé. Et on va voir par la suite des versets qui disent ou qui ordonnent le contraire de la violence. Le conseil que je donne à tous les frères, de ne pas insulter leurs femmes. Les insultes sont interdites. وأن لا يضرب كذلك, et de ne pas frapper aussi. فالذي يضرب أو يسب يندم من بعد, وخصوصا امام عائلتها. Celui qui frappe ou qui insulte va regretter, il va souhaiter que la terre s'ouvre pour qu'il plonge dans la terre lorsqu'il sera devant son père ou devant sa famille. Lui, il a insulté le père. Et un jour, la fille va dire, devant son père, il t'a insulté, mon père. Pourquoi tu vas insulter son père? Pourquoi tu vas insulter sa mère? Le problème, c'est entre toi et elle. Akhi, aïna hiya l'akhlaq, aïna huwa din, frère, où est la religion? Où est le bon comportement? هذه المرأة اختارتك في البداية من أجل الدين والخلق. تتذكر اختارتك لأن ظنت أن فيك دينا وخلقا أنك لا تضرب ولا تسب. La première fois cette femme, mon frère, t'a choisi à base de ta religion et de ton comportement. وشهد عليك الله في الميثاق الغليظ. Et lors du pacte énorme du mariage, c'était Dieu le témoin. فأين الدين والأخلاق الآن. Et où est la religion et le bon comportement aujourd'hui? أقول ليس هناك أفضل من الطيبوبة من طرف الرجل أو المرأة. Il n'y a pas mieux que la bonté du côté du mari ou du côté de la femme. أعرف رجلا أتعب الشيطان. Je connais un homme qui a fatigué Satan. في كل خصومة مع زوجته. À chaque dispute, à chaque querelle avec sa femme, لا يستطيع أن تمر ساعة من غير أن يطلب المسامحة من زوجته سواء كان ظالما أو مظلوما. Après chaque querelle, une heure après, il va vers sa femme, il demande pardon à sa femme, soit que c'est lui le fautif ou lui la victime. وهكذا يذبح الخصومة. Et ainsi il égorgeait la dispute. ثالثا الصلح بين الزوجين. Le troisième point, c'est la réconciliation entre les deux membres du couple. قال تعالى, Dieu dit, وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد, يعني الحكمان, إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. Si vous craignez la fissure de leur union, envoyez un arbitre de la famille du mari et un arbitre de la famille de la femme. S'ils veulent les réconcilier, Dieu ramènera parmi eux la concorde. إن لم تنجح المحاولات الداخلية للزوجين, si y a un échec des deux essais ou des essais au sein du couple, يأتي أمر من الله, il y a un ordre qui vient de la part de Dieu, فبعثوا, envoyez, يعني حكمين, ça veut dire deux arbitres, من أهلهما, de leur deux familles, أو من غير أهلهما, في عدم القدرة على إيجادهما من العائلة, ou deux arbitres en dehors des deux familles, dans le cas où dans la famille il n'y a pas d'arbitre sage et vertueux. Ou hakaman wahidan, salihan wa hakiman, il lam yujad ithnan, ou bien un seul arbitre sage et vertueux, dans le cas où on ne trouve pas deux. Kul hadha min ajli al-islah. Tout ceci pour la réconciliation. Qala ta'ala, was-sulhu khayr. Dieu dit, la réconciliation est bien meilleure, ça veut dire que le divorce. Rabi'an. Quatrièmement, عند فشل الحكمين, lors de l'échec, s'il y a échec pour les deux juges ou bien pour les deux arbitres, وبقاء نشوز المرأة, et la permanence de l'indiscipline de la femme, يكون الطلاق, à ce moment-là, il y aura le divorce. في طهر من الحيض والنفاس, dans une période de propreté, c'est-à-dire il n'y a pas les monstrueux ou l'accouchement de la femme. بمعنى حرام أن تطلق المرأة عند الحيض. Il est interdit, mon frère, de divorcer, de répudier la femme indisposée. فينتظر حتى الطهر. Il doit attendre la propreté, ليطلق, afin de répudier. ولا يطلق في فترة طهر مسها فيه, يعني نام معها في ذلك الطهر. Et il ne lui est pas permis de répudier sa femme pendant une période de propreté dans laquelle ils se sont touchés, ça veut dire ils ont fait une relation intime. ينتظر حتى الحيض, il doit attendre les monstrueux. وبعدها الطهر, et après les monstrueux la propreté. ثم يطلق, et après il prononce le divorce. كل هذه القيود ربما يغير رأيه الرجل. Toutes ces contraintes, peut-être le mari va changer d'avis. تريد أن تطلق tu veux divorcer. يقول لك الإسلام لا, الإسلام te dit non. انتظر 10 أيام أو 20 يوم ربما تغير رأيك ومن بعد تطلق. الإسلام te dit non. Attends 10 ou 20 jours et après tu peux divorcer, mais peut-être qui sait tu vas changer d'avis. مع العلم أن الرجل يملك في الإسلام ثلاث طلقات رجعية على امرأته. Sachant qu'en islam, l'homme a droit à trois répudiations envers sa femme et chaque fois avec la possibilité du retour. L'homme ne doit pas prononcer la répudiation triplée dans une seule fois. بل في عدة مرات mais plutôt en plusieurs fois. وله في كل مرة أن يراجع زوجته ويردها. Et il lui est possible, il lui est permis à chaque, après chaque divorce, de réviser sa décision et de faire retourner sa femme ou de revenir vers sa femme. وذلك قبل مرور فترة العدة. Et ceci avant le passage du délai de viduité ou bien de révision, c'est-à-dire la période pendant laquelle il peut réviser sa décision. Ce délai de viduité est estimé à trois cycles menstruels. قال تعالى, Dieu le Très-Haut dit, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. Les divorcées, c'est-à-dire les femmes, restent trois cycles menstruels à s'observer elles-mêmes. بمعنى فترة الطهر التي تم فيها الطلاق. Ça veut dire, dans la période de propreté dans laquelle il y a eu le divorce, ينتظر المرء الحيض الأول, la femme doit attendre le premier cycle de menstrues, ثم فترة الطهر ثانية, et après une deuxième période de propreté, وحيض, et après un cycle de menstrues, وفترة الطهر ثالثة, et après une troisième période de propreté, تنتهي بالحيض, qui prendra fin avec le cycle de menstrues, بِهَا تُصْبِحَ الْمَرْأَ طَالِقًا. Et après ceci, la femme devient automatiquement divorcée ou complètement divorcée. وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ رَدَّهَا فَعَلَيْهِ بِزَوَاجٍ جَدِيدٍ. Si l'homme veut la faire revenir vers lui, il doit prononcer ou il doit demander un nouveau mariage. خِطْبَة, une demande de mariage, des fiancés. وَمَهْر, une dot, وعقد جديد إذا رضيت بالرجوع إليه. Et un nouveau contrat de mariage dans le cas où la femme accepte de revenir vers lui. أما قبل نهاية فترة العدة, mais s'il veut réviser sa décision avant la fin du délai de viduité, فيجوز للرجل مراجعة زوجته وردها بغير صداق ولا عقد ولا رضاها. Il est permis à l'homme de réviser la décision d'annuler le divorce et de faire revenir vers lui sa femme sans dot, sans nouveau contrat et même sans l'accord de la femme. Parce que pendant la période de viduité, elle est toujours sa femme. Le retour a lieu soit avec des paroles, il va dire « j'ai annulé le divorce », je reviens vers toi, ou il fait, بمعنى المجامعة, ou bien par un acte ou une relation intime. فإذا طلقها للمرة الثانية وراجعها في خلال فترة العدة أو بعدها, dans le cas où il y a un retour pour une deuxième fois avant le délai de viduité ou même après le délai de viduité. ثم دامت المشاكل وطلقها للمرة الثالثة, il y avait toujours des problèmes et il l'a répudié pour la troisième fois. فلا تحل له حتى تتزوج رجلا آخر ويطلقها هذا الرجل أو يموت. À ce moment-là, sa femme ne lui est plus permise ou autorisée que si elle se marie avec un autre homme et ce dernier la répudie ou bien il meurt. فعند ذلك يمكنه أن يتزوجها إن قبلت. À ce moment-là, il lui est permis de se marier avec elle, bien sûr, avec son accord. بزواج جديد, avec un nouveau mariage. إذن, الطلاق في الإسلام ثلاث مرات. Donc, il y a trois divorces pour le mari sur sa femme en islam. وهذا رحمة من الله. Et il s'agit là d'une miséricorde de la part de Dieu. فربما يتفارق الزوجان بالطلاق ويندمان. Il est possible qu'après un divorce entre le couple, il y a regret, il y aura un regret. وَيَفْتَحْ لَهُمَ اللَّهُ بَابَ الرُّجُوعِ رَحْمَةً بِهِمَا. Dieu leur ouvre la porte du retour par miséricorde envers eux. وَلَوْ كَانَ الطَّلَاقُ مَرَّ وَاحِدَةً. Si on avait droit au divorce une seule fois, رُبَّمَا بَعْدَ النَّدَمِ يَقُومَانِ بِالْحَرَامِ لِأَنَّ كُلْ وَاحِدْ يُحِبْ الْآخَرِ. Peut-être après le divorce, ils vont commettre l'interdit, parce que chacun peut-être aime toujours l'autre. فَكَمْ مِنَ رَجُلْ طلق زوجته مرة واثنين في فترة الشباب وال وقلة العقل ومن بعد بقي أزواجا حتى الموت. Combien d'hommes a répudié sa femme pendant la période de la jeunesse, le manque pendant la période où il y a un manque de raison et d'expérience, mais par la suite ils se sont restés mariés jusqu'à la mort. ولكن الإسلام لا يفتح الباب على الدوام للطلاق. Mais l'islam n'ouvre pas à toujours la porte du divorce, حتى لا تصبح عادة, afin que le divorce ne soit pas une coutume ou une habitude. فبعد الطلاق الثاني والرجوع, après le deuxième divorce et le retour, يدفع الزوجين إلى الصبر وحسن المعاشرة. Il pousse, il exhorte le couple à la patience et au bon comportement. ففي حالة الطلاق, dans le cas du divorce, فلن تكون رجعة إلا بعد زواج برجل آخر. En cas de divorce, il n'y aura plus de retour qu'après un mariage avec un autre homme. وهذا لا يقبله الزوج ولا الزوجة. Et ceci n'est pas voulu ou n'est pas apprécié ni par le mari ni par la femme. فيكون ذلك مانعا لهما من الطلاق الثالث. Et ceci va les empêcher à prononcer un troisième divorce. خامسا, cinquièmement, عند الطلاق الرجعي, lors du mariage sunnite ou lors du divorce avec retour, تبقى المرأة في بيت الزوج. La femme doit rester chez son mari, dans le foyer de son mari. Ala nafaqati zawj, bénéficiant de la pension alimentaire du mari. Akl wa libas wa sakan, nourriture, vêtements et habitation. Amma ma narahu al-yawm fa huwa mukhalif lil-islam. Mais ce qu'on voit aujourd'hui est contraire à l'islam. قال تعالى عن المطلقات. Dieu dit à propos des femmes divorcées, لا تخرجوهن من بيوتهن. Ne les sortez pas de leur maison. لأن المرأة إذا خرجت من بيت زوجها, parce que la femme, si elle quitte le foyer conjugal, سيصير ردها صعبا. Son retour deviendra difficile. وفي بعض الحالات مستحيلا. Et dans quelques situations, le retour deviendra même impossible. أما بقاؤها في بيت زوجها طيلة فترة العدة. Mais le fait qu'elle reste dans le foyer conjugal pendant le délai de viduité, تقريبا شهرين أو ثلاثة, à peu près deux ou trois mois, فيسهل الرجوع للزواج أو للزوج. Ceci facilite le retour vers le mariage. تمر فترة الغضب, la période de colère va passer, ويتم الصلح الطبيعي بين الزوج وزوجته. Et après cette période, après la tempête, il y aura la réconciliation naturelle entre les membres du couple. وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. Telles sont les limites de Dieu. Celui qui transgresse les limites de Dieu, devient injuste envers lui-même. ولا يجوز للولي أو للعائلة أن يمنع الزوجة من الرجوع إلى زوجها بعد الطلاق إذا كانت هي قابلة. Et le tuteur ou bien la famille de la femme n'ont pas le droit d'interdire le retour de celle-ci vers son mari après le divorce dans le cas où elle accepte. قال تعالى, Dieu dit, فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. Ne les empêchez pas d'épouser leur premier mari s'ils se sont réconciliés selon la bonne coutume. النقطة السادسة, le sixième point, في حالة انقضاء العدة ولم تتم مراجعة. Dans le cas où le délai de viduité prend fin et il n'y a pas un retour. يقول الله, Dieu dit, وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Une fois que vous avez répudié les femmes et qu'elles ont atteint leur délai, gardez-les avec gentillesse ou libérez-les avec gentillesse. Yani bil ihsan, ça veut dire avec la bienfaisance et l'excellence. Wa laysa bil unf aw as-sab, et non pas avec la violence ou les insultes aw ad-darb ou bien les coups ila akhiri etc. Qala ta'ala, Dieu dit wa la tansaw al-fadl baynakum inna Allah bima ta'maluna basir. N'oubliez jamais le bien et la générosité dans vos rapports mutuels. Dieu voit parfaitement ce que vous faites. يعني عند الطلاق الإنسان لا ينسى الخير والمودة والرحمة والعشرة الزوجية التي كانت في الزواج. Ça veut dire pendant le divorce, l'individu ou l'homme ne doit pas oublier la tendresse, la clémence et la vie conjugale qui avait lieu pendant le mariage. يجب أن يكون الفراق أخويا. La séparation doit être fraternelle. وأن لا تكون عداوة بين العائلتين إلى آخره, et qu'il n'y ait pas une inimitié entre les familles, etc. سابعا, septièmement, المتعة, la jouissance. يعطيها الرجل للمرأة المطلقة. C'est une jouissance que le mari offre à sa femme répudiée. Un bien ou de l'argent. ولا حد أعلى لقدر المتعة. Il n'y a pas une limite supérieure pour la valeur de la jouissance. فهي حسب كرم الرجل. Elle dépend de la générosité de l'homme, du mari. وبطبيعة الحال فالمتعة تكون مناسبة لعدد سنين الزواج. Et c'est normal que la jouissance doit être proportionnelle au nombre d'années passées dans le mariage. فالمرأة التي بقيت مع الرجل 40 سنة لا يمكن أن يرميها هكذا من غير حقوق. Une femme qui est restée, par exemple, 40 ans avec un homme, il ne doit pas la jeter comme ça, comme un papier dans une poubelle. فمتعتها ربما تكون نسبة مئوية من ثروته. Peut-être sa jouissance doit être égale à un pourcentage de sa fortune. قال تعالى, Dieu dit, وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. Les divorcés, ça veut dire les femmes divorcées, ont droit à une jouissance selon la bonne coutume. C'est là un devoir pour les gens pieux. فالمتعة حسب التقوى. Donc la jouissance dépend de la piété. أنت يا أخي وتقواك أمام الله. C'est, ça dépend de ta piété devant Dieu, mon frère. Le point 8, al-muhafada ala al-asrar. Il faut préserver les secrets. Fal-asrar amana. Les secrets sont un dépôt confié à l'un ou à l'autre. بالنسبه للرجل او المراه, soit du côté du mari ou de la femme. احد الصالحين كانت عنده امراه ناجز. Un homme vertueux était marié avec une femme indisciplinée. وكانوا أصحابه يسألونه عنها. Ses amis l'interrogeaient à propos d'elle. فيقول حرام أن أقول أسرار زوجتي. Il leur disait, c'est interdit que je parle des secrets de ma femme. فلما طلقها, après son divorce, وتزوجت بعده, elle s'est remariée avec un autre après lui. سألوه عنها لأنها لم تبقى زوجته. On l'a interrogé sur sa femme, sur son ex-femme, parce qu'elle n'est plus maintenant sa femme. فقال حرام أن أقول أسرار زوجتي أو زوجتي غيري. Il m'est interdit de divulguer les secrets d'une femme d'un autre homme. وبعد كل هذا الذي قلت ربما يلاحظ أحد قائلا. Après tout ce que je viens de dire, peut-être quelqu'un va formuler cette remarque. الإسلام ظلم المرأة. L'islam est injuste envers la femme. لأنه جعل الطلاق بيد الرجل. Parce qu'il a donné le divorce, ou il a mis le divorce entre les mains du mari. الجواب, la réponse. نعم. الإسلام أعطى حق الطلاق للرجل. لأنه كلفه وليس شرفه. L'islam, c'est vrai, l'islam a donné le droit du divorce au mari. Pas parce qu'il l'a honoré, mais parce qu'il l'a responsabilisé. بالمهر والنفقة وعند الطلاق المتعة. فمقابل كل هذه التكاليف الثقيلة أعطاه حق الطلاق. Parce que l'islam l'a chargé, l'a responsabilisé de donner la dot, la dépense pendant la vie conjugale, la jouissance après le divorce, Et contre tout ceci, ou en contrepartie de toutes ces charges lourdes, l'islam lui a donné le droit du divorce. Walakin, fi nafsi al-waqt, al-islam lam yadlim al-mar'a. Mais en même temps, l'islam n'était pas injuste envers la femme. Lianna hunak thalath halat, parce qu'il y a trois cas seulement. Al-hal al-oula, le premier cas. Al-mar'a nashiza, asiya. Wal-rajul yurid at-talaq. Wal-mar'a tarfud at-talaq. Le premier cas, une femme indisciplinée. L'homme cherche à divorcer, la femme refuse le divorce. Il s'agit du cas qu'on a vu. Le deuxième cas. Ar-rajul wal mar'a yuridan at-talaq. Fayakunu idhan talaqan mushtarakan wa thunaiyan. L'homme, dans le deuxième cas, c'est l'homme et la femme qui cherchent et veulent le divorce. Dans ce cas-là, il s'agit d'un divorce bilatéral et commun. Wala dhulma fihi, et il n'y a aucune injustice parce que les deux cherchent le divorce. Al-hala thalitha, le troisième cas, ar-rajul nashiz, aasi, ar-rajul aasi, rajul sa'b, la yumkin al-hayat ma'ahu, un homme indiscipliné. Wa yarfud at-talaq, l'homme indiscipliné, difficile, refuse le divorce. Wal mar'a turid at-talaq. Et c'est la femme qui veut le divorce. فالإسلام أعطاها الحق في طلب الطلاق عند القاضي. L'islam lui a donné le droit de demander le divorce auprès d'un juge. ولكنها تعطي للرجل مالا يساوي الصداق الذي أعطاها أو أقل. Mais dans ce cas-là, elle doit donner à l'homme une somme qui est égale à sa dot reçue de la part du mari ou inférieure. بِاتِّفَاقْ مَعَ الرَّجُلِ en accord avec son mari. وَيُسَمَّ هَذَا خُلْعًا فَالْقَاعِدَةَ الَّذِي يُطَلِّقْ يُعْطِي لِلْآخَرْ تَعْوِيضًا. La règle, celui qui veut le divorce doit donner un dédommagement, une indemnité ou une compensation à l'autre. وَهُنَا تَظْهَرْ عَدَالَةُ الْإِسْلَامُ وَعَظَمَتُهُ. Et là apparaît la justice, l'équité de l'islam. الإسلام أعطى هذه الحقوق للمرأة منذ 14 قرنا. الإسلام a donné ses droits à la femme depuis 14 siècles. لما لم تكن للمرأة حقوق في المجتمعات الأخرى. Là, à l'époque où il n'y avait aucun droit pour la femme dans les autres civilisations. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى رأسهم سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وعلى كل من لسنته اتبع واقتفى أما بعد عباد الله après ceci serviteur de Dieu هناك عدة أسئلة ترجع دائما فيما يخص الطلاق. Il y a plusieurs questions qui reviennent devant chaque ou lorsqu'il y a un divorce. أولا premièrement هل طلاق الغضبان Est-ce que le divorce d'un mari prononcé par un mari énervé est validé ou pas? Al-jawab, la réponse. Al-rajul la yutalliq illa fi halat ghadab. L'homme ne peut divorcer que dans le cas où il est énervé. Walaw qulna talaq al-ghadban la yaqa. Si on dit que le divorce de l'énervé n'est pas validé, falan yakuna hunaka talaq. Il n'y aura jamais de divorce. Walakin idha kana al-ghadab kabiran. Mais dans le cas où la colère est énorme et anormale, jusqu'à un point où l'homme ne sait plus quoi dire à cause de ses nerfs, il n'arrive pas à distinguer entre le ciel et le sol, c'est-à-dire qu'il est devenu comme un fou. Par la colère, فالطلاق لا يقع. À ce moment-là, le divorce n'est pas validé, لأنه لا بد من العقل والإرادة في الطلاق, parce qu'il est nécessaire de jouir de sa raison et de sa volonté pour que le divorce soit validé. Deuxièmement, هل طلاق السكران يقع أم لا? Est-ce que le divorce de l'homme ivre est validé ou pas? الجواب, la réponse. عند جمهور العلماء والمذاهب الأربعة يقع الطلاق. Chez la majorité des savants et chez les quatre écoles islamiques, le divorce est validé. عقوبة على تناول الخمر الحرام comme punition pour la consommation du vin qui est illicite. الذي ضيع عقله ce vin qui lui a fait perdre sa raison. ولكن هناك بعض العلماء mais il y a quelques savants كعثمان ابن عفان رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز هؤلاء من الخلفاء الراشدين quelques savants parmi les califes comme Uthman, fils de Affan, et Omar, fils de Abd al-Aziz, que Dieu soit satisfait d'eux, ils ont dit, celui qui est ivre, son divorce n'est pas validé, parce que la sanction, la punition de l'ivresse n'est pas le divorce, mais la sanction limite. Troisièmement, le divorce triplé ou la répudiation triplée, est-ce que cette répudiation est comptabilisée comme une seule ou comme trois à la fois ? بمعنى هل يستطيع رد زوجته بعد طلاق الثلاث أم لا؟ Ceci signifie a-t-il le droit de revenir vers sa femme après le divorce triplé ou pas ? الجواب, la réponse. جمهور العلماء والمذاهب الأربعة يقولون يقع الطلاق ثلاثا وتحرم عليه زوجته حتى تتزوج رجلا غيره. La majorité des savants, les quatre écoles, ont dit le divorce est validé comme trois et non pas comme un. Et sa femme lui devient interdite jusqu'au mariage avec un autre mari. وقال بعض العلماء طلاق الثلاث يقع مرة واحدة. Mais un petit nombre de savants ont dit que le divorce triplé est comptabilisé comme un seul et unique divorce. ويمكن رد المرأة. Il est possible de faire revenir sa femme. لأن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وبداية عمر. Parce qu'à l'époque du prophète, prière et salut sur lui, à l'époque d'Abu Bakr et le début de l'époque de Omar, كان الطلاق الثلاث يقع طلاقا واحدا ثم غيره عمر رضي الله عنه ووافقه على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم parce qu'à l'époque du prophète et de Abu Bakr et le début de Omar le divorce triplé était comptabilisé comme un seul ou comme une seule fois et à l'époque de Omar Omar a changé cette habitude et il a fait que le divorce triplé est comptabilisé comme trois et les compagnons du prophète, que Dieu soit satisfait d'eux, étaient d'accord, rapporté par l'imam muslim, rawah l'imam muslim. Rabi'an, quatrièmement, هل يجوز تزوج امرأة مطلقة بنية تحليلها على زوجها ثم تطليقها? Est-il possible de se marier avec une femme divorcée avec l'intention de la rendre licite pour son ex-mari et après la répudier? Al-jawab, la yajouz. La réponse non, c'est interdit. ولا تصير حلالا على زوجها. Et cette femme ne sera pas licite pour son mari. والزواج باطل. Et ce mariage est caduque. وهذا يعد زنا. Et ceci est compté comme un adultère. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له. Et le prophète prière et salut sur lui a maudit celui qui va essayer de rendre le mariage licite et l'ex-mari. رواه أحمد والنسائي والترمذي rapporté par Ahmed et par d'autres. فلا بد من زواج عادي وحياة زوجية عادية لا علاقة لها بتحليل الزواج الماضي وفي الأخير أقول يا لفان جدي لمن هم على وشك الطلاق جدي à ceux qui risquent d'un moment à l'autre de divorcer. Ils sont proches du divorce. أخي أختي frère, sœur, فكر جيدا قبل الفراق. Réfléchissez bien avant la séparation. فالطلاق شر كبير. Le mariage, le divorce est un grand mal. Et on ne fait appel à ce mal que dans le cas d'une grande nécessité. Il y a une déchirure pour les enfants. Il y a une difficulté de remariage après le divorce, soit pour la femme ou pour le mari. Et je dis aux familles, وخصوصا عائلة الزوج et surtout la famille du mari. وأقول لأصدقاء الزوجين et je dis aux amis des deux membres du couple حرام عليكم والله حرام عليكم أن تشجعوا أحدهم على الطلاق. C'est interdit, c'est haram pour vous d'encourager l'un ou l'autre pour le divorce. قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها. N'est pas des nôtres celui qui va encourager une femme pour demander le divorce de son mari. Rawa Abu Daoud wa Nasa'i, rapporté par l'imam Abu Daoud et Nasa'i. Wa aqul man yaf'al dhalika, je dis celui qui fait ceci, fa innama yaf'al mithla as-sahara alladhina yata'allamuna as-sihr, il fait comme les sorciers qui apprennent la sorcellerie, wa min bayni ahdafihim, et parmi leurs buts de la sorcellerie, yufarriquna bayna al-mar'i wa zawjatihi, ils vont séparer entre, grâce à la sorcellerie, entre le mari et son épouse. Akhi, ukhti, frère, sœur, takrahu zawjatak, takrahina zawjak, tu détestes ta femme, tu détestes ton mari, turidu talaq li tatazawwaj marra ukhra, tu veux le divorce pour te remarier une autre fois, aqulu lak, je te dis, kul fard fa huwa majmou'a min al-uyub, chaque individu est un ensemble de défauts. Laysa hunaka fardun malak, il n'y a pas un individu sur terre qui est un ange. Fa idha tazawwajta fa satajid uyuban ukhra rubbama akbar min al-ula, dans le cas où tu te remaries, tu vas trouver peut-être des défauts pires que les premiers. Laysa hunaka fardun kamil, il n'y a pas une personne parfaite. Anta lasta kamilan, anta lasta malakan, tu n'es pas parfait, tu n'es pas un ange. Pourquoi tu demandes à l'autre partie de devenir ange ou de devenir parfaite? Wa idha kunta tabhath 'anil kamal, et si tu cherches la perfection, fala tatazawwaj, ne te marie pas. Wa hadha ya'ni isbir, ceci signifie supporte avec patience ton mari ou ta femme. Was'al Allah an yughayyirah aw an yughayyiraha, et demande à ton Seigneur de changer ta femme ou de changer ton mari. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والعفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رب يا من لا إله إلا أنت يا رب إن الطلاق قد كثر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احمي بيوتنا من الطلاق. اللهم كلما وقع زواج اللهم اجعله زواجا دائما في الدنيا وفي الآخرة. يا رب احمينا واحمي بيوتنا من الهدم بالطلاق، واهد أولادنا من التشتيت بالطلاق. اللهم أدخل المودة والرحمة في قلوب المسلمين وفي بيوت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.